Danger and cuts. It's the most beautiful, ugly sound in the world. Nos équipes sont en train de syntoniser les ondes porteuses de nos deux dimensions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Nos programmes commencent dans quelques instants. Merci de votre patience. Danger and cuts. It's the most beautiful, ugly sound in the world. Nos équipes sont en train de syntoniser les ondes porteuses de nos deux dimensions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Nos programmes commencent dans quelques instants. Merci de votre patience. Danger and cuts. Sound in the world. Nos équipes sont en train de syntoniser les ondes porteuses de nos deux dimensions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Nos programmes commencent dans quelques instants. Merci de votre patience. Danger and cuts. Le champ de bataille était là. Les Carthaginois qui défendaient la ville furent attaqués par 3 légions romaines. Les Carthaginois étaient fiers et braves, mais ils durent céder. Ils furent massacrés. Il y a 2000 ans, j'y étais. À travers l'enfantement des siècles, au milieu des pompes et des vicissitudes de la guerre, je me suis battu. J'ai lutté désespérément. Et mon sang a coulé des milliers de fois sous les étoiles. Comme tout au long d'une route éternelle, je vois cette lutte immémoriale. J'ai combattu sous bien des noms, sous bien des costumes. Mais c'était toujours moi. From the future, and all of this goes horribly wrong, horribly wrong. Ah! What is it good for? War! La vie est le songe des lambeaux d'une déesse. Un souvenir d'un autre monde depuis longtemps devenu mythe qui est resté en nous comme un songe ancien. Un mélange de mélancolie et de regret. Pourquoi es-tu si sérieuse? Tu penses que tu seras récompensée à la fin? Vis comme tu l'entends. Sois ce que tu veux. Tu es déjà morte de si nombreuses fois. Brûle tout. Renais, ton vrai plumage n'est pas celui qui t'a été donné à la naissance. Tu es une Circé, tu es une maîtresse des formes, tu es un phénix, tu passes des cendres aux cendres. Entre les deux, tu es une étincelle d'étoile qui consume son hydrogène. Le temps de le dire. La vie est déception permanente. Elle fane les fleurs et tue le beau comme une compulsion maladive. L'inéductabilité est maîtresse de ce monde. Ici, il n'y a rien à gagner. Sois toi-même, ne te compromets jamais. La vie est une fiction écrite automatiquement depuis la nuit des temps. Ceux qui prétendent en être les scénaristes sont des fous perdus dans un rêve, dans un rêve, dans un rêve. Rien à perdre. Laisse-les se battre pour des royaumes de brume. Le jour de ta mort, souris, Pars sans regret. Retourne-toi. Tu n'étais pas là. Tu ne reviendras pas. Rien de tout ça n'a été vrai. Nous sommes des faiseuses de musique. Nous sommes les rêveuses de la rêve. Nous sommes l'humanité. Hypermix. Glitchcore. Un mercredi sur deux. Les semaines paires. 20h, 21h. Danger and cut. C'est sur Pulsar. It's the most beautiful, ugly sound in the world. And now, ladies and gentlemen, this is 5 minutes battle mode time. This is Nitrum, the metronome in effect.

Danger and Cuts. It's the most beautiful, ugly sound in the world. Thank you. Danger and Cuts. Vous écoutez un hyper mix de musique d'Ojin, c'est de la musique indépendante japonaise. Celui qui joue avec ses machines, c'est Nitrom the Metronome. C'est le mercredi une semaine sur deux. Le soir, c'est sur... It's the most beautiful, ugly sound in the world. Here in the dark. Printemps, été, automne, hiver, tu nais, tu meurs. La fin, c'est le début dans l'autre sens. Le temps de cligner des yeux, tu n'es plus là. Souffle les bougies de ton gâteau d'anniversaire. Le temps de faire un vœu, tu es du passé. Vis selon tes propres termes, ne transige jamais. Réveille-toi, il est l'heure de mourir, il est l'heure de vivre. Si cette émission vous a plu, il y en a 12 autres à écouter en outcast à l'adresse radio-pulsar.org. On va se quitter avec Éclose, une artiste marseillaise, avec le titre Gris dans mon ciel. On se retrouve dans 15 jours. C'était Julie Moé, La Voix, et Nitrom the Métronome aux machines. Bisous à tous. Danger and Cuts. Out. J'ai sous le lit inclicable. 20-26, tout le monde se bat pour ces trois fuck. Je crois plus à un avenir équitable. Close pas étiquetable, ça les emmerde. Tu prends le paquet, tu nata. Cœur plein d'amertume, je l'ai vu derrière le sourire qui lui sert de couverture, bitch. J'allais rentre les lignes, j'allais rentre les lignes. À chaque projet, je mets la barre plus haute. Mais faut attendre, Paname, c'est là-bas que ça décide. Si je suis hype, si je suis in. C'est ma truc, c'est baby. Et je parle avec le cœur, ouais, j'ai l'antidote. Je vais les soigner, c'est fou sur des top lines, débile. Parce qu'ils n'ont jamais connu la guerre. Si j'avais su me travestir pour des talcons, moi je l'aurais fait. L'esprit libre veut mailler, bitch, je voudrais juste commencer. J'attends que les planètes s'alignent, comme la witch que je suis. Je me voulais, mais j'ai pas su la ressourcer dans le noir. 10 000 heures, minimum chacun sa vision. Comme l'écran et la télé dans ma tête, y'a des longs débats. J'ai écrit le dernier chapitre comme si cette vie n'est qu'une fiction. Ils veulent la paix parce qu'ils n'ont jamais connu la guerre. Si j'avais su me travestir pour des tales, crois-moi, je l'aurais fait. L'esprit libre veut mailler, puis tu voudrais juste qu'on m'enferme. J'attends que les planètes s'alignent. On a toujours fait gris dans mon ciel. Je peux pas dire que je faiblis, mais je supporte moins de choses. M-A-L-K-O-E-K-L-O sonne comme un mauvais présage. C'est pas le poison qui tue, c'est la dose. Ma frustration, chaque matin je l'arrose. J'en prends soin comme si j'allais la perdre. Mais je vais jamais la perdre. Y'a 10 piges de peur assis, j'arrête ces 10 années à rapper à perte. J'ai vu naître mes cernes comme si je paie mes nuits blanches d'avant. J'suis presque au bout de la planche et j'sais pas ce qu'il y a au bout. A chaque théorie, on s'avance comme si on s'aimait, on s'égare, au mieux on s'ouvre. J'suis sur le départ pour j'sais pas où. Et si je le savais, je le dirais même pas. N'est-ce pas, je resterai discrète, let's go, n'est-ce pas, je resterai discrète. Ils veulent la paix parce qu'ils n'ont jamais connu la guerre. J'avais su me travestir pour tétale, crois-moi, je l'aurais.